starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Ils vont délire ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. 3, 2, 1, go! Dès 20h, la trappe avec Jadoule et toute son équipe sur KIF. Waouh! Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver, moi et oui. toute mon équipe! Oui. Et on est en forme! On engage! Et on s'y engage! C'est génial, mais je suis là, je peux vous faire un cumulé de joie. Ah, bon, bah, vas-y, on veut voir ça. Attention, on se concentre. Il va se blesser. 3, 2, 1, oh, ah, bah, allez. Jadoule, Jadoule est tombé. Ça va? La chute. Ça fait mal. T'as mal, ouais. Ça va, Jadoule? Ça va, ça va. Okay. The show must go on. Oh. Ah, t'es pas prêt pour les JO, toi? Ah non, ça, pas t'inquiète pas. Je vous souhaite la bienvenue avant de présenter toute l'équipe qui est là ce soir pour vous accompagner. Nous avons une très grande émission avec dans quelques instants le retour d'une émission. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas traité dans cette émission. Face au juge. Ah oui. Ouais, ça fait un moment. En même temps, ils reprennent seulement maintenant, donc bon. Et vous pouvez pas inventer les épisodes. C'est vrai. Qui sera notre invité? Guillaume Canet. Interview combinée avec lui dans quelques instants. On garde ses réponses et vous devez faire des questions drôles. On essaye, on donne le meilleur de moi-même. Vous avez entendu le mot-clé? Le mot-clé, écoutez bien. Clé, drôle. Oui, passe-partout. Drôle, pas clé, c'est drôle le mot. Drôle, allez. Connais pas. Ça me rassure. Si vous avez des doutes sur votre avenir, j'espère qu'il y aura, je ne sais même pas quel signe ce sera cette semaine, mais un signe astral sera représenté dans le Végastral. Oui, l'horoscope de Dominique Vegas revient. Ah, yes. Ah. Là, ça faisait longtemps. Et si on prenait des nouvelles, là, maintenant, tout de suite, de Renaud, le chanteur? Oui, bah, ah, oui. Fou. C'est un peu comme ça d'un coup. Mais... On a que 2 heures d'émission, Jadoule. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Il était en concert intime il y a une dizaine de jours à Aurillac, en France. Oh non. Je chante plus. Hein. Il a arrêté. Non, c'est sympa. Alors la question c'est, est-ce que c'est un concert de Aurillac ou à Aurillac? Imaginez 2h30 de concert comme ça. Ah non, c'est quelque chose. Hein. Bon, vous savez quoi, cette semaine, on va faire très fort dans cette émission. Le blind clet, c'est pas la fin d'émission de base? Non, non, ça c'est un vrai chanteur, Kix. Ah d'accord, ok. Okay. Oh, c'est horrible, c'est PRTP. Non, non, c'est compliqué. Oh. Vous savez quoi, on va faire vraiment très très fort cette semaine. Je vous propose que vous, pour vous présenter tous là, toute l'équipe, d'accord, on fasse appel au vrai, au seul, l'unique, l'officiel, tant qu'il est là. Renaud. Ouais. Et son traducteur officiel, forcément, sinon c'est compliqué. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Whisky. Sac. Pourrais-je avoir un verre d'eau? Surtout ce qu'on sait guignol. Je suis ravi de présenter l'équipe de ce soir. Les copains, Jojo. Antoine, dans le poste. Alors voici le copain Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Pas trop impressionné de... Écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Merci d'assurer la traduction. Plaisir. Lola, Morgane, non, Madame Kaboul. Maison d'Esquarner, embrasse, seul raid, ce soir. Alors en saluant ma maison de disques Warner, j'embrasse Maeva ce soir. Bonsoir Maeva. Bonsoir. Maeva, la putain. Maeva, la charmante dame. Merci. Allez, à vous. Alors ça fait participation. C'est Eton. Esbeton. C'est le copain Manu. Salut. Oui, donc ça fait des années qu'il est là. C'est le copain Kix que je salue. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça va? Ouais, très très bien. Ouais. Tiens, un petit peu. Ouais, parce qu'il faut le tenir. Yeah. Il bave un peu dessus. Pierrot. Les flics. Le bruit. Regarde, sera en cloque. Putain de camion. Alors, il nous dit qu'il est ému hein, d'être là ce soir et qu'il est en pleine forme, je crois qu'on l'a bien compris. Il est revenu. Oh, ma veste. Calmez-vous. Qu'il aurait cru que je saluerai un jour un PDG. Salut les moignoles. Oh là là, attends. Qui aurait cru que je saluerai un PDG. Salut Jadoul. Et docteur Renaud. Par avant, je te souffle avant. Et je m'en vais. Bonne émission. Ça c'est le vrai concert ça. Ok. Seigneur. Bah, c'est pas loin. Oh. On applaudit. Merci. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été se balader sur RTL TV. Oh. Oh oui. Direction l'émission Face au juge. Ah ça va. Temps de réaction 12 secondes, ça promet une bonne émission ce soir. Pour une 10e saison, c'est le retour de Face au juge. Chaque dimanche à 19h50, à partir du 10 mars, là donc ça a démarré. Sur RTL TVI et RTL Play, des affaires toujours extrêmement brûlantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, madame, hier? Je revenais de chez la psy. Et on devait aller faire des courses pour ma mère. C'était ma filleule qui conduisait. Et en se garant, j'ai ouvert la porte. Et apparemment, ça a touché la porte de celui d'à côté. Oui, c'est un problème. On est chez le procureur du roi, Charleroi, et cette femme, Judith, aurait touché la portière d'une autre voiture en sortant de la sienne. Moi, j'ai bien vu que j'avais pas touché. J'étais à ras, oui. Et puis, il a commencé à s'énerver sur nous, à nous juger, à nous insulter. Bon, jusqu'ici, c'est plutôt normal. Bah oui, enfin, en théorie. Oui. La routine à Charleroi. Oui. Bon, les insultes, ouais, bon. À un moment donné, je suis allée vers les caddies parce que du coup, j'essayais d'éviter la situation. Sauf qu'il est arrivé en charge à continuer à nous insulter. Et il a dit un truc, mais je ne saurais plus vous dire. Et j'ai vrillé, j'ai sauté dessus. Oui, j'ai sauté dessus. Vous avez bien entendu. Réaction normale, hein? Ah bah tout à fait. Tout va bien. Sauf que là, c'est le drame. Je lui ai arraché son t-shirt. Parce qu'après, lui, il m'a pris par les bras et il m'a poussé. De là, je suis partie, j'ai pris mon caddie, je suis rentrée dans le Lidl. Vous avez mis quand même beaucoup de force, hein, madame? Il était peut-être très sensible, son t-shirt, je sais pas. Maman, c'est toi? Elle aurait été capable, hein? C'était un t-shirt de chez Primark, c'est bon. Il est sensible. Il est sensible, le t-shirt. Ah. Et les coutures ne tiennent pas. Il a des émotions. Attendez, deux petites secondes. Démon, Carolo! Sors du corps de cette dame! Bon, ça marche pas. Donc les policiers sont donc arrivés, sont intervenus. Alors vous avez ri quand on vous a demandé de sortir du magasin. Vous avez poussé le caddie au milieu des rayons. Vous vous montrez agressive au moment où on vous place les menottes. Et vous résistez, madame. Donc on vous a quand même pris par la gorge pour vous mettre à terre. Hein. Quoi? Pardon? Bah, dis donc. Ça va pas les cours chez Lidl. Elle a eu une réaction tout à fait proportionnée à la situation. Elle a mordu le flic. Ah oui? Oui, mordu. Donc ça veut dire que le flic est toujours en ce moment en arrêt par précaution au cas où si elle a transmis des maladies en le mordant. C'est une vraie info, hein. C'est pas une blague. Mais quelle galère. C'est énorme. Oui, oui, oui. Et ben la dame était pas tout à fait nette. Enfin bref, voilà. Merci, monsieur le procureur. Une deuxième affaire, peut-être. Allez, un dernier cas. Malik a déjà été condamné pour vente de stupéfiants à 30 mois de prison avec un sursis probatoire. Il risque donc beaucoup. Il est accusé de rébellion et outrage sur agent de police. Waouh, wow, c'est du lourd, hein. Attention, un beau CV. Alors, sauf que on a décidé de ne pas vous diffuser l'audition au tribunal. Oh. Non. Non, l'audience, on a préféré la remixer. D'accord. Je sais pas si c'était... Parce qu'on s'est dit que tout ce qu'il disait, ça faisait très parole de rap. Les policiers expliquent que vous êtes rapprochés de la fenêtre des véhicules de police en hurlant à l'inspecteur qu'il ne faut pas le regarder comme ça. Et vous lui avez répondu apparemment de fermer sa gueule et que c'est le quartier qui décide et pas la police. J'ai vu trois visages que je vais pas oublier, fils de... Vous allez voir, les balles ne nous arrêtent pas, frère. Nous, les problèmes, on ne les règle pas avec les mains, tu sais bien. J'ai peur de rien, bande de chiens, vos familles, je vais les crever. C'est pas mon manière de parler, ça. C'est un enfant de 12 ans qui dirait ça. Donc les policiers, hein. Ta gueule. Pardon ? Pardon ? Il a dit quoi à la fin ? Non, j'ai cru entendre ta gueule. Ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile et ils ne comprennent pas grand-chose. Oui, ils ont toutes les qualités pour être sur KIF. Dès 20h, c'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Vous êtes à l'affût des nouveautés musicales ? Oui. Oui. Vous aimez les nouvelles chansons à découvrir ? Ah oui. Est-ce que vous connaissez le dernier Fida Turner ? Ah non. Non. Tu me tiens par la barbichette ? Oui, c'est ça. Alors j'ai niqué ta séquence vu ta tête. Oui. Ah. Bon, c'est quoi ? On va directement écouter le son. Hein. Mais non. Et franchement, c'est mauvais. Ouais, très mauvais. Je peux rien dire d'autre. Hein, mais... Non, c'est vrai que c'est pas terrible. Hein, vous imaginez, vous, plus tard, quand vous serez parent, si ça vous tombe dessus un jour, malheureusement, vous allez... Ah non, mais faut pas faire d'enfant, il faut arrêter. La Terre est dans un état tellement pitoyable, arrêtez. Non, il faut pas voir ça comme ça. Mais si, tu vas voir quel monde tu vas leur laisser, ça va, c'est bon. Bref, imagine-les dans la cour de récréation, ouais, en train de faire ça, tu vois. C'est oui. Fini le je te tiens, tu me tiens par là, bah, vas-y. Non, c'est fini. Maintenant, c'est. Inquiétez-vous juste quand votre gamine de 4 ans fera du pole dance avec le porte-manteau. C'est peut-être un signe inquiétant. Très inquiétant. Mais le but était d'être drôle, elle a fait ça pour la finale de LOL. Tu crois vraiment ? Ben oui, elle l'a. Non, non. Est-ce que tu penses pas plutôt que c'est LOL qui s'est servi de la musique qu'elle a sortie pour faire un moment de rigolo ? Franchement, si c'est ça, elle est vraiment encore plus, mais elle plus est folle perchée. Que ce que je pensais. De toute façon, comme d'hab, c'est du buzz. Hein. Ah oui. Non, à mon avis, elle l'a fait ça pour LOL. Non, non. Oui, Maëva. Oui. En tout cas, c'était très drôle. Ouais, c'était l'effet escompté. Ouais, ben. Moi, l'effet que ça m'a fait quand Maëva a niqué ma séquence en 2 secondes. Mais au moins, les auditeurs voient que c'est vraiment vrai. Je veux dire, quand tu poses des questions, on est vraiment en mode on sait pas. Et, ah bah, et en honnête, fait, hein. Le problème, c'est que je savais, il faut pas me poser la question. Alors, il faut me dire attention, clin d'œil. Ne donne pas la réponse. C'est donc la radio de la sincérité. Exactement. Ah bah, dis donc. Exactement. Bon, rappelle-nous une dernière fois, c'est quoi la question que tu nous poses ? Comment on faisait pour minuter les temps de cuisson au Moyen-Âge ? À l'époque où il n'y avait pas les minuteurs, les téléphones, etc. On a le temps de faire rapide un tour de table, oui. Allez, on y va. Antoine. Oh, je sais pas, avec des espèces de sabliers Non. Ouais. Avec de l'eau? Non. J'allais te donner la même idée, faire couler de l'eau, ouais, un verre aussi. D'eau et jouer un peu le sablier aussi. Par exemple, je sais que le temps que mon café coule, j'ai le temps de faire tel truc, tu vois. Ils avaient déjà des machines à café. Ah bah non, mais il y avait d'autres. Au Moyen-Âge, Kix. Mais non, mais je sais bien, parce qu'il parlait de café, mais c'est vrai qu'il y a d'autres techniques. Allez. Kix, une info que tu sais, par contre. C'est notre invité qui arrive dans quelques instants. Oui, c'est... je ne l'ai plus si Guillaume Canet. Non, j'avais Guillaume en tête, j'avais plus l'autre nom. Donc, wow, attendez, j'ai 2-3 petits trucs à faire avec mon équipe. Je reviens dans un instant. Avant ça, nous avons vendu un petit espace dans cette émission à Radio Familio qui nous propose un nouveau contenu. Oh, oh. Oui. Hâte de voir ça, enfin d'entendre ça. Eh ben, tendez l'oreille. La chanson de la semaine, c'est un moment de poésie. Un moment aux mots profonds offert par Radio Falminiul. Qui m'a demandé ? Lui, je le connais pas. J'ai mis la robe Dior et les Bottegas Veneta. J'arrive en chef, il m'appelle Eva Mendoza. J'arrive en chef, j'arrive en chef. Tu sais, nous, ce qu'on aime les filles. Oui ? Quand c'est clair, quand tout est fluide, je suis en bombe, j'adore des fils, je mets KO sur battement de cils. Ici, c'est gang, détrompe-toi. Tu veux mon homme, t'es mimi, mais compte-toi. Je suis bande à part, j'ai les mêmes. Ça bouge pas, on peut danser. Ouais, mais boy, ne touche pas. C'était un extrait de l'œuvre Bottega de Eva. Chers amoureux des mots, bonsoir. Oui. C'est une interprétation très personnelle. Non. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes, maintenant, Kix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. Dès 20h, sur KIF, Jadoul et son équipe, tous les mercredis. Interview combinée. Combini. Elle est venue de loin, celle-là. Waouh, mon Dieu. À vous de faire les questions de l'interview Combini qu'on va essayer de retourner. Le moins drôle d'entre vous se prendra évidemment gracieusement un coup d'œil. Combiné. Et tout à fait. Notre invité est déjà venu, je pense. Oui, ouais. Ça me dit quelque chose en tout cas. Guillaume Canet, hein, l'acteur, le beau gosse, réalisateur, le scénariste. Je suis très heureux et très fier que l'Académie des Césars m'ait fait cet honneur en fait. Ouais. Ouais, excuse-moi de te couper, mais ici, nous faisons l'interview combinée, pas les Césars. On va faire un sujet combiné un jour sur toutes mes chansons, parce que j'en ai écrit une trentaine. On discutera de ça hors antenne si tu veux bien. En attendant, ça te fait plaisir d'être ici? Ouais. Cool. Ouais, sois pas déçu, regarde. Tu as envie de voir l'équipe être nulle à ce jeu? Très très envie. Oh bah génial. Alors on peut commencer à rigoler, bien sûr. On y va, voici la première question avec Antoine. Vendredi, 15h30, l'école est finie pour la semaine. Ça c'était quand même quelque chose de très agréable. Oh oui. Ouais. Et mieux quand t'arrivais au printemps, comme maintenant. Mmh. Ah oui. Où vous savez, petit à petit, la nature est joyeuse. Ouais. Et quand vous regardez par la fenêtre et que vous vous faites taper parce que vous regardez par la fenêtre, vous vous dites, oh, ce sera bien après 4 heures. Ouais, c'est vrai. Bravo Antoine. C'est un peu dans la même vibe, moi, mais quand t'étais petit, tu te levais tôt pour te préparer pour l'école et tu te rendrais compte qu'en fait, on était samedi. Ça, c'était quand même quelque chose de très agréable. Oui et non, parce que ça pique quand même de devoir se préparer. Parce que tu te recouches et tu sais te rendormir quand t'es petit. Mieux, tu te recouches, le lit est encore chaud. Oui, à quel plaisir. Tout humide, genre parce que tu t'es pas retenu durant la nuit. Tu t'es pas préparé, hein, genre tu sors de la chambre et ta mère te dit, mais non, on est samedi. J'ai pas écouté. Ça, c'est trop bien. Non, mais heureusement, parce que c'est passé sous les radars. Il faisait pipi au lit, c'est ça? Non. Disons qu'il a une sudation extrême. Allez. La sensation de la tondeuse chaude chez le coiffeur. Ça, c'était quand même quelque chose de très agréable. Depuis, t'as perdu tes cheveux. Ouais, j'ai plus de cheveux. Non, si, je les ai encore. Et... oui. Ils deviennent blancs. J'ai eu 2 ou 3 poils blancs. Ah, mais quand on a les cheveux noirs corbeaux, c'est le genre de truc qui arrive très vite. Ils sont pas noirs, ils sont bruns foncés. Oh, excuse-nous. À la nuance. à qui je le donne? Kix. Mais parce que déjà on comprend pas pourquoi la tondeuse chaude ça fait. Mais si, la tondeuse chaude ça fait du bien. Enfin, dans l'anus, duc. Dans la nuque. Oui, c'est ça, oui. Dans la nuque. Tu sais, quand les coiffeurs ils coupent les cheveux, t'as la tondeuse et là tu sens le truc. Ah, moi j'aime bien. Ça fait un massage. Bon, bah, okay. Oula. Pas plus grand. Antoine, ça fait des années qu'il a pas vu un coiffeur. Oh si, si. Mais non. Si, tu sors du DIY, toi. Ah oui, ok, d'accord, comme ça. Oui. Parce que sinon j'ai pas des cheveux de 3 km non plus. Non, mais je veux dire, tu fais ça à domicile, quoi. Oui, tu te débrouilles, quoi. Et bon, et bien. C'était des explications, si jamais. Private joke. Antoine, deuxième question. Allez, contrairement à ce que vous croyez, que mon appart devienne un data center. C'est pas demain la veille. Oui, il y a madame qui garde. Voilà. Bah ouais. Tu penses bien. Je peux pas faire tout ce que je veux. Oui, parce que dès qu'Antoine ramène le moindre câble à l'appart, il y a sa copine qui s'appelle... Angélique. Ça faisait longtemps. Hein. Qui dit que bah ça pue, quoi. Et donc, non, c'est pas possible, quoi. Ah, dis-moi comment on fait. Non, pardon. Je voulais voir ce que c'était le son, mais... Dégueulasse. C'est sympa. Tu décides en direct de cliquer dessus en disant, bon, si on verra, one life. Je voulais voir. Voilà. C'est quoi? Il est pour moi. Ah, oui, non. Maëva, deuxième question. Ah, j'ai décidé de pas être drôle, mais d'être colère. Oh. Une vraie égalité homme-femme. C'est pas demain la veille. Ah, pas, bah, content. Pas content. Pas content. Pas content. Pas content. Voir le scooter de François Hollande sur le bon coin. C'est pas demain la veille. Vous êtes... Allez, il y a une mouche qui a volé dans le studio, je pense. J'ai pas compris. C'est pas grave, je vais parler tout seul avec le mur. Il a un scooter, François Hollande. Hollande. Mais oui, c'est comme ça qu'il trompait Julie Gaillet. Ah ben bon, non, il trompait avec Julie Gaillet. Avec Julie Gaillet. Hein, il trompait qui? Oui, mais... Valérie Trierweiler. Ah oui, qui a écrit un best-seller avec oui, c'est ça. Tout à fait. Ça a arrangé ses... Merci affaires. Pour ce moment. C'est super intéressant. Allez. Mais elle était bien. Tant pis, c'est pas grave, j'ai joué tout seul. Je retourne. Il y a des semaines comme ça où on fait un bide absolu. D'habitude c'est Antoine. Et là attends, je sais quand c'est pas fini hein. Ah ok, attention, dernière question Antoine, vas-y. Vulgariser une infothèque. On y met beaucoup de soi. Oh yeah. Allez Maëva. Quand il faut faire une chenille à un mariage. On y met beaucoup de soi. Ah ouais, t'as pas envie hein. Ah mais si on se donne. Ah non, moi je veux que ce soit la plus belle chenille. Et alors toi je suis sûre t'es le genre de gars qui est assis sur le bord d'une table. Je suis là genre, allez Jadou, genre je t'empoigne par le bras et c'est la chenille. T'es folle. Mon Dieu. Moi je pense que je suis capable d'annuler ma présence à un mariage pour justement échapper à toutes ces conneries. Dis-toi que si je suis dans le mariage, tu feras la chenille. Voilà. Ah, c'est l'heure de la chenille. Ah bah c'est dommage parce que je dois partir justement. J'avais un autre rendez-vous. Non mais sérieusement, tu le vois le truc? Allez, les mariés, porte cartel, on fait le jeu du tonton bourré. Non, c'est mort. Tu ne m'as jamais de la vie à une soirée comme ça. Hein. Oh, mais t'es mauvais zombie, j'adore. Oui, totalement. Et j'assume. J'aime pas les trucs de beauf. Oh. Kix, brille pour ta dernière. Tu termines la séquence, donc j'espère qu'on va terminer avec un fou rire. Allez sur une plage nudiste. On y met beaucoup de soi. Au moins, le mur, il a rigolé, j'ai entendu des bruits de l'autre côté du mur. On dit toujours le mur, mais... les murs entre des oreilles. Hein. Dans un instant, on c'est va ça, avoir je... l'occasion d'avoir notre voyant, Dominique Vegas, arrive pour le Vegastral. Une équipe bourrée de talents visuels. Wow. Mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Tous les mercredis. Si vous saviez ce qu'on me glisse dans le casque, hein, quand même, je sais pas qui est le coupable de ça, mais merci. Hein. Bah, ça a l'air sympa, en tout cas. Mais du coup, ceux que c'est pas les coupables, ils comprennent pas, et c'est pas drôle. Et bon, les auditeurs non plus. Vous voulez vraiment que je fasse en direct ce qu'on m'a fait dans mon casque? Oui. Ah, ça c'est drôle, wow. Ça. Oh, bon, on se marre bien. Ah, il arrive. Changeons d'air. Pour quelqu'un qui n'en manque pas. Notre phénomène Dominique Vegas, spécialiste en horoscope, s'est installé dans ce studio. Il nous a rejoint. Bonsoir Dominique Vegas. Bonsoir Zadoul, bonsoir à tous. Oh, je suis la star des astres et le désastre des voyants. Oh. Et qu'est-ce que vous faites? Mais j'ai crotté mes bottines, je suis tout nif. C'est-à-dire que le tram s'est arrêté un peu avant l'arrêt et donc j'ai dû marcher dans la boue. Et plus loin, un pavé m'a éclaboussé le pantalon juste avant, voilà, juste à l'avant ici, tu vois mon Zadoul? Oui, ben je vois, c'est dégueulasse. Ah mais ça c'est juste avant d'arriver ici et maintenant je suis tout sale. Ah, je ne vous dis pas, hein, c'est la cata. Laissez sécher, ça fera de la terre, là tant que vous êtes allé, c'est de la boue, vous allez tout salir. Hein. Oui, j'ai tout salopé par terre ici un peu, il y a plein de terre partout. Il y en a partout. Enfin, c'est dégueulasse. Mais je suis désolé, ce n'est pas de ma faute. Ah bah bon. Bon, bref, allez, oui. On n'est pas là pour parler de ça. Notre médium est avec nous ce soir. Médium, on sort de l'hiver, grand malin. On est plutôt sur du Lars. Voire du Excel. Ah oui, c'est marrant ça. Du XXX. L'humour, vraiment, l'équipe, évitez ça. Ça a le don de me fatiguer. Bon, le signe astral du jour, c'est les balances. On vous écoute, Dominique, pour vos prédictions. Amour, des projets collectifs pourront démarrer aujourd'hui. Si vous y mettez une belle fermeté, avec une équipe fiable et efficace, non mais c'est pas possible. Vous serez agréablement surpris par les résultats obtenus par cet épatant collectif. Arrêtez, Dominique, vous êtes sûr que c'est pour l'amour, ça, le collectif Ouf, excusez-vous, j'ai mélangé travail et amour. Vous venez d'entendre la partie travail. Ah, il me semblait bien. Oui. Je suis désolé, je suis confus. Amour, donc, maintenant. Oui. On vous sent bien tendu. C'est dur, les nerfs dans le dos. Je passe mes mains. Vous êtes contrarié, je le sens du bout des doigts. Ne bougez pas dans votre coin. Il faut vous exprimer si vous voulez que les choses s'arrangent. Laissez votre corps. Ça vous fait du bien si ça pue là. Monsieur Zadoul, ça vous fait du bien ? Non, c'est un écran, ça, Dominique. Ah, pardon. Voilà. Excusez-moi. Le lâcher, peut-être, et... Oui, j'avais fermé les yeux, ça m'excitait plus. Voilà, je suis désolé. Vous prenez vos cartes en main, par exemple ? Allez, donnez-nous un conseil pour les balances qui nous écoutent ce soir. Même si certains de vos espoirs sont déçus, cela ne veut pas dire que la vie s'arrête. Bah dis donc, voilà, vous voyez, on y arrive, ça y est, propre, génial. Bravo Dominique. Merci. Notre grand Dominique Vegas, on y arrive, enfin. D'ailleurs, à votre sujet, vous voyez ce qui va se passer dans 5 secondes pour vous ? Je suppute que je vais partir. Allez. Non mais vous savez, les cordonniers sont les plus mal sucés. Pardon ? Saucés. Et aux moines ? Non. J'ai arrêté le fromage depuis mon intolérance au lactose. Sinon, c'est le vent qui fait des bloup bloup bloup et le visage qui bourgeonne. Bah, c'est le printemps, donc. Ah, c'est beau à voir, moi je vous le dis. Les sauçonniers sont les moins bien sassés. Sassés ? Oh oui, un sassé, Dominique ? Oh, je veux bien un sac pour ranger mes cartes. Merci à toi. Au revoir, soleil. Bonjour, la lune. Attendez, il vient de parler à combien de personnes ? J'ai pas capté. Merci, bonsoir, Dominique, au revoir. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec Jadoul sur KIF. Ah, voilà le fallait nous dire plus tôt de Maëva qui a l'air très surprise. Non, pas du tout. Si. Elle est en train d'essayer de déballer une petite boîte de gâteau. De gâteau. Et puis elle s'est dit, oh, c'est ma séquence, tiens. J'admirais les duchesses. Voilà. Que fait la molaire ? Elle était sur les duchesses. Et après, elle sera aux machines à pièces. Bah, ça va être beau. Est-ce qu'on peut se mettre sous la dent ta séquence ? Oui, bien sûr. Bon appétit. Donc, j'essayais de vous faire deviner comment est-ce qu'on surveillait les temps de cuisson au Moyen-Âge et vous n'aviez pas d'idée. Est-ce que c'est depuis le temps, c'est quelque chose qui est arrivé ? Antoine ? Bah, je sais pas, il se disait peut-être un truc en tête. J'en sais, un Mississippi, deux Mississippi, trois Mississippi. Il y a un début d'idée, Antoine. Ah, j'avoue, un crocodile. Oui, c'est ça. Petit patapon, petit. Non, est-ce que il regardait simplement ? En fait, il regardait le truc ? Bah non. Bah si, bêtement. Mais quand tu sais pas mettre, quand moi j'oublie de mettre un chrono pour ma pizza qui est dans le four, quand bah, tu la regardes pendant 10 minutes le truc. Non, je la regarde et je fais. Ok, qui c'est une idée ? Attends, il avait dit avec des mots. Mississippi. Ah, il y a peut-être une phrase du coup. Il doit dire une longue phrase. Un chant, une musique. Et quand la phrase est une musique, c'est on vrai. On y vient. Vous vous rapprochez de quelque chose. Ah, un air. Ça commence à venir. Beethoven. Pas d'idée ? Non. Mais du coup, en priant. Quand il faut en fait, on utilisait les prières pour surveiller les temps de cuisson. Par exemple, le temps de préparation idéal d'un œuf à la coque, ça correspondait à réciter 3 Notre Père et 3 Ave Maria. Voilà. Attends, je note. Donc. C'était multifonction parce que en plus d'une cuisson optimale de l'œuf, on s'absolvait de tous nos péchés. Voilà. Donc 3 Maria et 1 Père, c'est non, ça Notre Père et Ave Maria. D'accord. Voilà, c'est noté. Allez, tous ensemble maintenant. Qui veut faire un œuf à la coque? Non mais bah, tu sais nous le faire comme à l'époque. Notre Père qui es aux cieux. Oh là là. Que ta volonté soit faite sur la terre. Ah bah c'est joyeux. Donne-nous notre pain de bon, ce il fait jour nuit. Et regarde parce que c'est Ramadan en même temps. Donc imagine tout le bordel des religions là. Amen. Ah ouais. C'est bon madame. C'est tout. Voilà, c'est tout, vous avez l'info. Avec plaisir. Bah c'est une belle info. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'infos. Ils étaient comment les minuteurs chez vous quand vous étiez petit? Moi c'était une forme d'œuf comme ça, un petit. Ouais. Ah ouais, chez ma mamie c'était un poivron. Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Oui. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du festival. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview. Ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festime, à table festin. Antoine. Oh Toudou. Tout le monde a son petit buzzer. Oui, Maëva, vas-y. Moi aussi. Jadoul. Parfait. Alors on peut commencer à deviner la première personnalité. Tu nous fais Nagui là ou quoi? Je vous fais Nagui. Ah mince, on n'a pas le chouchou là. Ah. Bon, première personnalité avec ce premier indice. Suis-je toujours la plus belle? Miroir, mon beau miroir. Oui. Marine Le Pen. Oh, ça aurait pu. C'est vrai que la voix, il y a un petit grain, mais c'est pas Marine Le Pen. J'ai cru que c'était Marine Le Pen en intelligence artificielle. Non. Oh, je n'ai pas ses capacités à utiliser. Tu peux en prouver un sur YouTube. Tu surestimes Kix. C'est vrai. Bon, personne d'autre, non. Je poursuis avec ce deuxième indice. Si je lui pose un lapin, eh ben, ça veut dire que j'y vais, Ah oui. Mais tais-toi. On a le droit. On peut écouter le son, nous, ou on est peut-être en train de faire des drôles de bruit. Exceptionnellement, je le remets. Si je lui pose un lapin, eh ben, ça veut dire que j'y vais au rendez-vous. Alors? Non. Oui, j'ai une idée. Tu as une idée? J'attends le. T'attends la dernière? Ouais. Attention, troisième indice. Miouiel! Miouiel! Miouiel! Antoine? Muriel Robin? C'est une bonne réponse. Bien joué, donc ça fait un point pour Antoine. C'est noté. Je l'avais. Tu l'avais? Bah oui, mais. J'avais au deuxième son. Voilà. Dommage. Ça m'agace. Marine Le Pen viendra peut-être un autre jour. Dans la je vais Muriel le noter, Robin, t'as mes idées. En chantant, c'est compliqué. Bon, deuxième personnalité à deviner. En vous, s'il vous plaît. Voici le premier indice. À tes yeux, je ne suis pas sérieux, plutôt une plaisanterie. Fini de rire. Allez, viens dans mon univers où tout le monde sourit. Rejoins-nous. T'as pas d'humour, je te dis. Pas. Mince, j'ai oublié. Mince, j'ai oublié, ce n'est pas la bonne réponse. Si, allez, aidez-moi. Aidez-moi, c'est marrant. Oui. Vincent. Oui. Qui chante Fruit de la Passion. Oui, c'est ça, c'est la bonne réponse. Truc Vincent. Vincent, un nom, ça suffit, hein. Oui, ça, allez, je l'accorde, c'est Francky Vincent. Francky Vincent. Non, mais allez, on aurait dit. Ah, donc d'accord, c'est l'école des fans maintenant. Bah, on aurait dit Aznavour, t'aurais pas dit, mais non, faut dire Charles. Elle a dit Francky, elle a dit Vincent, et elle a dit donner une musique, donc bon. Merci. Vas-y Kiki, c'est bon. Vas-y Kiki, c'est bon bon bon. Vas-y Kiki, c'est bon. Allez bien. Vas-y Kiki, c'est bon bon bon. Il en a fait plein. J'avais oublié les paroles. Mais qui c'est qui t'a fait la version Kiki? Attends, mais on a tout, non? Tu veux zizi? Oui. Évidemment, incontournable. Mais pourquoi il a fait une dédicace à Kiki? Oui, alors c'est-à-dire, en fait, je le connais personnellement. C'est vrai? C'est mon oncle. Non, mais on le connaît, donc on lui a dit pour l'émission, est-ce que tu pourrais nous faire un allez, c'est quoi la vraie histoire? Kiki, c'est bon. Vas-y Kiki, c'est bon, bon, bon. Mais non, en fait, un jour, on avait fait une séquence sur lui, voilà. Et c'est vraiment lui qui chante? T'étais pas encore dans l'émission quand on a fait ça? Si, je pense. J'ai une petite mémoire. Ah. Et donc, c'est vraiment lui qui chante ou pas? Bah oui, c'est vraiment lui, c'est pas... Mais pas pour vraiment Kiki et pour un autre Kiki. Bah pour tous les Kiki de la Terre. Bon, il y a trop de Kiki. Est-ce qu'on peut rester dans une émission? Ok, c'est... bon, allez. Merci. Troisième personnalité à deviner à l'aide de trois sons. Et voici le premier son. Tout donné, qui t'a tombé encore. Bah dis donc, Jadoul, Antoine, Maëva. Bah c'est l'ordre en effet, mais Attendez, attendez, attendez, attendez. Qui, quoi, comment, à quelle heure? Tout donner, tout donner. C'est Zazie. Ah, c'est Zazie, ça c'est bien, t'as reconnu la voix. Bon, espèce de petit. Et là, Antoine, il se dit merde, j'avais ça aussi. Oui, j'avais ça aussi. Et Maëva? Non. Non. Elle ment, elle a levé les yeux au ciel. Oh, elle ment. J'avais Muriel Robin, non. Je sais pas pourquoi. Bah, Kix. Oui. On est tous éliminés sur cette manche. Mais non, nous on a rien dit. Ça vous compte pas. Notre buzzer ne c'est compte vrai pas. On a buzzé. Vous avez non, buzzé. Ça, ah non, ça ne compte pas. À partir du moment où ton buzzer a compté, le nôtre est annulé. Parce que si tu avais donné la bonne réponse, on aurait été annulé aussi. Et donc, du coup, c'est comme si on n'avait pas buzzé. On peut écouter le deuxième extrait, s'il te plaît, Kix. Maëva. N'essaye pas de détourner les règles comme ça t'arrange. C'est... Vous avez tous buzzé, vous avez tous donné une réponse, non, elle on n'est pas, pas bonne. On n'a pas donné de réponse. On écoute juste pour le plaisir. Si, t'as donné une réponse, donne ta réponse. Donne ta réponse, tu vois, tu l'as donnée. Non, en vrai, c'est vrai, ils n'ont pas donné de réponse. Bim. Tu ris ? Antoine, il a dit Zazie ! Non, t'as dit Zazie ? T'as dit Antoine, il a dit Antoine, il pense aussi à Zazie. Mais pour Antoine n'a même pas acquiescé. Les auditeurs, on a besoin d'un, d'un juge. Si personne juge. Est d'accord avec moi, je vous jure, j'arrête la séquence maintenant. Je fais réécouter la pige pour la, avoir la VAR. La VAR. C'est drôle. Bah, du coup, il reste Maëva. Alors, si Antoine, moi, je n'ai rien dit. Tu mais l'as t'as même dit. Buzzé. T'as même dit, elle a levé les yeux au ciel, mais j'ai pas dit oui ou non. Une fois qu'on buzz, non, c'est terminé. Mon buzz est annulé vu que tu as buzzé avant moi. Allez, alors on y va. On est à The Voice. La mauvaise foi. Deuxième indice. Jouer en mode jeu. Keep it simple. Et tu vas faire comment pour buzzer maintenant que tu as grillé ton buzzer? Allez, la bouche. Une idée, pas d'idée? Non. Mais le jeu, il est baisé là maintenant. Je sais pas, c'est quoi le troisième extrait? Troisième extrait. C'est la bonne franquette. J'hallucine. Est-ce qu'il y a un bonus? Eh oui, il y a un bonus, évidemment. Le bonus. J'aime, j'aime, j'aime. Ah, j'ai foutu ma gueule. Alors en vrai, je l'ai pas du tout. Il y a eu du Zazie, il y a eu du Mika, ah, okay. Il y a non, eu en fait, du, il y a eu du Axel Red. On est où là? Le bonus n'a les rien à voir. En fait, c'est un autre bonus qui s'est intercalé. Mais enfin bref, non mais peu importe. On est en train de perdre Jadoul. Hein. Vous n'avez pas. Bon bah, je donne la réponse. Il y a eu du Vianney, il y a eu. Du... Mesdames et messieurs, interruption spéciale de vos programmes. Nous sommes face à un petit problème. Les cerveaux de l'intégralité de l'équipe ont lâché. Il est désormais impossible de continuer le programme dans des conditions optimales. Entre Kix, l'animateur du jeu, qui a complètement perdu le fil de ses sons. Entre Maëva, qui détourne les règles pour essayer que ça lui arrange une victoire. Et Antoine, qui a décidé de décéder dans le fond de sa chaise, qui s'est faxé jusqu'au sol. Le jeu doit s'arrêter immédiatement. Nous reprendrons nos programmes dès que possible. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Bah, je peux donner la réponse quand même, du coup. Bah oui, comme ça, les gens, ils savent. C'était Vianney. Hein? Bah oui, les trois ont chanté avec Vianney. C'était trois musiques de Vianney. Par exemple, on avait la première avec Zazie, comment on fait avec coup, Zazie. Il y avait avec, la musique... Avec Mika, Mika. C'est et... ça. Et le feu avec Kenji. Super. Mais... On va mettre 2-3 choses au point. Merci Kix pour ton jeu chouette. Avec plaisir. Ça vous fout une superbe ambiance. Voilà. Dans un instant, Maëva et sa chronique. Hein. On a un petit débriefing à faire, voilà. Bon. Après, petite mise au point avec l'équipe hors antenne, qui s'est très très bien déroulée, étant donné que c'est une dictature et j'ai raison. nous avons réécouté avec beaucoup d'intention. D'attention. D'attention, c'est ce que j'ai dit, je t'emmerde. Ma langue a le droit de crocher. Il est. La roule il est tendu. Il va falloir aller lui faire un petit massage. On écoute ? On écoute. On écoute ce que ça a donné. Écoutez bien, tous les buzzers ont été utilisés. Un buzzer utilisé égale réponse à donner. Mm-hmm. C'est la règle. Non. Ok, si ok, même oui. Pas d'accord là-dessus. Allez, attention, on écoute ce que ça a donné. Bah dis donc, Jadoul, Antoine, Maëva. Bah c'est l'ordre en effet, mais. Ouais, attendez, attendez, attendez, attendez. Qui, quoi, comment, à quelle heure? Tout donner, tout donner. Bon là je cherche, hein, on s'en fout. Zazie. Ah c'est Zazie. Donc je donne ma réponse. Reconnu la voix. Bon espèce de petit. Et là, Antoine, il se dit, merde, j'avais ça aussi. Oui, j'avais ça aussi. Donc, il donne aussi Zazie. Non. Elle ment, elle a levé les yeux aussi. Et là, Maëva ne veut pas donner sa réponse. Voilà. Donc, je ne l'ai pas donné. Donc, on est face à un cas extrême de mauvaise foi. Il n'y a pas de timing où je donne ma réponse. Moi, j'ai décidé d'attendre les autres extraits pour la donner. Antoine, la partie neutre. Alors que Zazie avait dit qu'il fallait tout donner. Elle aime sauver. La partie neutre. Comment te dire, Antoine? Tu savais quoi? Quoi? On va vraiment laisser ça où c'était et on va passer à autre chose. Merci. L'actu connecté et les dernières tendances, c'est avec Jadoul sur Gaïef. Maëva? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Kate Middleton a disparu. Voilà. C'est l'embarras. En fait, sur TikTok, souvent, il y a des petits dramas avec des stars, etc. Mais ouais, pourquoi ça touche la famille royale en Angleterre? C'est qu'il y a quand même quelque chose. En gros, il y a plein de théories what the fuck sur qu'est-ce qui est arrivé à Kate Middleton. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la dernière fois qu'on a vraiment vu qu'il y a eu une vraie apparition, c'était à la messe de Noël, donc le 25 décembre. Jusque-là, tout va bien. Elle faisait cuire des œufs avec les prières. Voilà. Puis après, on l'a plus vu en janvier. C'est pas très grave, c'est pas comme si on la voyait tous les matins, Kate Middleton. Mais en janvier, mi-janvier, on a publié, enfin, le palais a publié qu'en gros, elle était à l'hôpital, elle avait une petite opération tranquille de l'abdomen et qu'elle était hospitalisée. Quelques semaines. Donc encore une fois, là, tout va bien. Sauf que depuis, on l'a plus vraiment vue nulle part. Et donc, il y a eu plein de théories sur TikTok, mais enfin, c'est marrant que des jeunes, etc., qui d'habitude parlent de Miley Cyrus, Taylor Swift, parlent de Kate Middleton en mode, oui, si ça tombe, elle s'est fait faire des implants, ou alors, on essaye de la remplacer, ou alors, il l'a trompé, William, avec quelqu'un d'autre, et donc, du coup, elle s'est fait la malle, ils essayent de couvrir ça. Donc, c'est vraiment tout un truc, mais comme tous ces trucs, what the fuck, ça s'est estompé un peu. Sauf que le 4 mars, elle a republié une photo, donc, elle a publié sa première photo, donc, pour la fête des mères, donc, avec ses enfants. Sauf que, j'avoue, j'ai été voir la photo, ça se voit à l'œil nu, c'est un truc retouché. Tu vois le bras de l'enfant que c'est un collage mal fait, tu vois, il y a le flou là. Et sa tête, en fait, si tu regardes, c'est la même tête qu'elle avait sur une couverture de Vogue il y a quelques mois. On dirait un copier-coller de cette image. Donc c'est un vieux montage foiré avec ses gosses, mais pourquoi elle a fait ça? Elle est bouffie. Mais donc, du coup, alors avant, les théories, c'était un peu n'importe quoi, on s'en foutait, mais pourquoi elle a publié ça sur son compte officiel? Elle est bouffie. Et donc, du coup, elle s'est quand même excusée. Elle a dit que, en gros, elle savait pas utiliser Photoshop et qu'elle était vraiment confuse. Voilà, elle était débutante. Mais alors, la vraie question, c'est pourquoi elle a utilisé Photoshop? Parce qu'elle est bouffie. À la place de Canva. Ou alors, elle a peut-être vraiment été enlevée par des aliens. Voilà. Donc, si vous êtes. Mais je te jure, moi, en plus, je ne suivais pas cette histoire et je scrollais sur TikTok et j'arrêtais pas. Kate Middleton. Donc, si vous ne comprenez pas, c'est normal, il n'y a rien à comprendre. On ne sait pas ce qui est arrivé à Kate Middleton. Voilà, on espère la revoir très prochainement en chair et en os. Il y a même eu des photos, par exemple, de médias anglais où on la voyait avec ses proches. Et en fait, si tu regardes bien la photo, c'est pas elle, mais c'est quelqu'un qui est habillé comme elle, coiffé comme elle. Okay. Donc pourquoi on ferait passer une copie? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tout un truc. Et je me demande vraiment ce qui se passe dans le palais en Angleterre. Et voilà, j'ai pas de réponse. Dès que j'ai une info, promis, je vous la passerai. Mais tout va bien. Ah ouais. Eh ben. D'ailleurs, Jadoul, ce n'est pas le vrai Jadoul qui est là actuellement. C'est son sosie. Oui. Vrai? Oui. Oui. Je préfère le vrai. Tu le prends comme tu veux. Eh ben, écoute, moi, tu sais. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Maëva, pour ces nouvelles. Avec plaisir. Elle est pas un peu bouffie, Kate Middleton? Je ne sais pas. Je ne suis pas au palais. Enfin. C'est pas moi qui l'a dit. Elle est peut-être un beau cuisinier. Bouffi, c'est Bertrand Descartes qui l'a dit. Vous savez, l'homme de paille de l'émission en carton, Passe Royale. Pardon. Vous êtes sous la douche là ou... Ah pardon, excusez-nous. Merci de nous avoir rejoints sous notre douche. Bon bah qui sont sympas. Hein. Ouais, on a rien venez à faire. Venez vous abonner avec nous. Oh, on s'amuse. Dites. Oh, c'est délicieux. Elle fait tomber le savon. Dès 20h, c'est la trappe. Douche. Let's go. Dès 20h, c'est Jadoul. Et toute son équipe sur KIF. Partout dans Bruxelles, dans Namur, merci de nous avoir choisis sur KIF. Ce soir, on est là pour vous amuser, oui. Alors là, je vous le dis, on rentre dans le vif. Vous savez ce moment là où Voilà, Maëva, elle a retroussé ses manches là. Ouais, d'ailleurs, elle en a pas. Mais... non, mais c'est parce qu'il fait un petit peu chaud, voilà. Il fait chaud ? Oui, bébé, oui. Il fait vraiment chaud ? Ben, vous venez de la douche. Mais oui. Kix, ne révèle pas, s'il te plaît, notre intimité. Ah, je suis obligé de le dire ici, excusez-moi. Bon. Désolé. Allez, s'il vous plaît, on se concentre. Dans un instant, on aura l'occasion. J'allais repartir une heure en arrière, moi. Ça n'est déjà pas à l'avant, c'est pas le moment de faire marche arrière. Ok, boomer. Ok, boomer. Maëva ? Oui, je vais vous donner trois informations, voilà, de l'actualité, les faire deviner, pour briller ou pas en société après. Oui, tout à fait. Nous allons faire les inflops. C'était pas pour toi, hein, ça. C'était... Non, oui. Je le prends pas personnellement. J'espère. Direction l'Angleterre, à Londres. Ah. Une femme de 69 ans dépense 60 livres, soit environ 70 euros, par semaine en billets de loto. Et ce, depuis des années. Donc dites-vous qu'au total, avec tout ça et tous ces jeux, elle aurait amassé 23 600 livres. Ça fait une sacrée bibliothèque, comme dirait Jean. Sacrée lectrice, du monde. Dernièrement, elle s'est plainte de ne pas avoir reçu ses derniers gains. La loterie s'est justifiée que cette dame gagnait beaucoup trop souvent et que son jackpot était volontairement bloqué. Une enquête a été ouverte pour s'assurer qu'il n'y ait aucune tricherie derrière tout ça avant de lui verser son nouveau gain. En soi, elle peut râler que ça prenne du temps, mais c'est normal. Franchement. Il y a des gens qui jouent ici un petit peu... Oh, de temps en temps, mais non. C'est rare. Jamais. Non. Jamais. C'est péché de jouer. Jamais, Antoine ? Non, jamais. T'as jamais gratté un... Jamais. On va arranger ça. Allez, tiens, commence. Dans deux semaines, on fait ça dans l'émission. T'es là dans deux semaines ? Oui, normalement. Hein. Bon, allez, on le verra à tous les cafés du coin. Vous savez quoi ? Je m'y engage sur les fonds de la production. Donc, fiscalement déductible. Ouais. On va lui acheter tous les tickets à gratter qu'il y a à la librairie. Comme ça, il va. Il n'en aura fait aucun dans sa vie. Là, il va tous les faire. Et s'il gagne l'argent, il va pour la production, pour toi ou pour lui ? C'est pour ça qu'on achète les billets. Et c'est le début d'une addiction. Non mais cette dame là qui dépense 70 euros par semaine dans le loto, vous vous rendez compte ? Le total de ses gains, je fais le total, 23 600 divisé par ce qu'elle dépense chaque semaine, c'est-à-dire 60. Si on divise après par le nombre de semaines sur un an. 52. La mamie britannique, elle a autant dépensé qu'elle a gagné en 8 ans. Pas possible. Ah. Bah alors du coup. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah, elle dépense, elle achète des tickets. Ouais, mais bon. Mais elle gagne pas autant que lui. Oui, c'est vrai. Oui, et ça tombe, elle fait ça depuis plus longtemps que 8 ans. Ouais, ah oui. Bon. Donc la loterie est quand même en bénéfice. Si je calcule bien. Mm-hmm. Cher Loto, on est d'accord pour dire que vous êtes un peu des rats. Voire même vachement de mauvaise foi, non ? Allez, rendez les sous à la mamie. Dépêchez-vous. Et là, ton enquête. C'est bon, libère les gains. Bon, après, pour les défendre, il paraît que la loterie retient de lui donner ses nouveaux gains pour lui éviter un accident cardiaque. Bah oui, à son âge. Sachez que la mamie, elle s'en fout. Ouais, elle préfère avoir ses gains. Car elle préfère crever. Mais enfin... Une touche de joie. Que sympa. Deuxième et dernière. Et avant-dernière info. Nouvelle astuce pourrie pour les chauffards, pulvériser de la laque pour cheveux sur les plaques d'immatriculation. Comme ça, s'ils se font flasher, la brillance rend la plaque illisible et donc ils évitent l'amende. Ah ouais ? Vous avez pas vu cette trend sur TikTok ? Non, pas du tout. Non, vous avez pas vu celle-là. Alors, déjà, c'est faux. Ça marche pas. Vous pouvez essayer, vider votre bombe de laque, marchera pas. Je suis pas certain que ça va améliorer la qualité des conducteurs sur nos routes, ce genre d'astuce. D'ailleurs, Maëva ? Oui ? Attends, Maëva, Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin. C'est vide en plus, mais c'est un tube de lac ? Bah, c'est pour me coiffer. C'était dans ton sac ? Oui. Non, mais alors attends. Non, mais si on rajoute ce moyen d'escroquerie à ta vitesse, à ta manière de conduire. Non, mais franchement, monter en voiture avec toi, il faut voir. La vie comme une fête foraine. Ça t'arrange bien pour t'amener où tu veux aller. D'ailleurs, je t'ai jamais utilisé comme taxi. Hein. Oh. On s'est pointé à l'anniversaire d'Antoine avec toi. Bah oui. C'est du covoiturage, c'est et pas taxi. Je t'ai déjà ramené ici et au McDo. La vie comme une fête foraine. Troisième et dernière info, une femme en colère contre sa voisine, fan de Mylène Farmer, décide de lui faire vivre un enfer. Je pense que la dame est agacée d'entendre « Désenchanté », « Sans contrefaçon » et d'autres chansons du registre de Mylène provenant de la maison d'à côté. Amandine, donc la résidente, a décidé de se venger de sa voisine. Et pas qu'un peu. J'ai d'une bouteille d'urine. Un jet d'eau de Javel. Quand elle se promène, avec son fils en poussette, bien sûr. Jet de cailloux. Des gifles. Des cheveux tirés. Elle lui envoie même les services sociaux pour tenter de lui faire retirer ses enfants. Après un passage au tribunal, Amandine est bannie pendant 3 ans de son village et doit payer 3000 euros de dommages et intérêts à sa voisine. Ouais, faut vraiment détester Mylène Farmer. Hein. N'empêche qu'une fois que Amandine a déménagé, je suis sûr, mais je suis certain, que la voisine a chanté haut et très fort. Sors de ma vie, sors de ma vie, ne reviens plus, car désormais, tu n'es plus la bienvenue. Et bien sûr, juste après, l'armée du Mylène Farmer, parce que ça lui manquait un petit peu. Pourquoi pas, bah oui, ça me manquait. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. Sur KIF, tous les mercredis. D'ici quelques instants, Hockey Boomer avec Maëva. Maëva, d'ailleurs, que lui prend le relais. Allez, animatrice. On y va, action. Alors, en effet, on va voir Hockey Boomer après. Je vous explique trois infos, mais avant, on va écouter les petits vieux, les plus vieux, je pense. Très vieux, c'est vraiment personne. très vieille personne de la bande FM, mais professionnelle quand même, enfin je pense. On écoute Radio Falminioul. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où leur antenne s'est brisée en deux. Oh waouh, René, je vois que tu as mis une belle cravate aujourd'hui. Flûte, c'est pas une cravate, c'est mon bavoir. J'ai dû oublier de l'enlever à midi. Oh, il est quand même 20h. Guy, n'oublie pas demain que dès 9h du matin, il y aura notre grande soirée bingo avec nos auditeurs. Et tu sais qui va l'animer? Oh là là! Waouh, qu'est-ce que c'était que ce gros bruit? Jésus! C'est lui qui arrive, je l'ai entendu. Allons, allons, si t'as entendu un bruit, c'est sûrement tes vieux os qui commencent à se décomposer. Je parle du gros bruit qu'on vient d'entendre. Moi j'ai entendu quelque chose de divin tomber sur terre. Mais tu... Oh, Guy, ressaisis-toi, pas de religion. Oui, mais toi tu n'as pas entendu ce que moi j'ai entendu. Ça a l'air de venir de dehors, tout ce boucan. Va voir, Guy, moi je fais une petite intervention à l'antenne, allez. Radio. Chers auditeurs, nous vous attendons nombreux demain à notre grande soirée, dès 10h du matin, à notre guinguette pour célébrer le... Tu peux te taire et tu peux baisser les curseurs aussi. J'ai fini. Regarde, c'est notre antenne qui est tombée. C'est la fin. Un pilule, ça vaut 10 000 euros. On ne se relèvera jamais. Passe-moi les clés. Je vais les mettre sous la porte. Non! Ah, mais Guy, j'ai déplacé au début des années 2000 l'antenne sur un mât, le long de la cheminée. C'est fini pour nous. Non! Ça ne doit pas se terminer comme ça. De quelle antenne tu parles? Mais qu'il est con, mais qu'il est con. René, tu m'écoutes. Notre antenne, c'est celle qui est dans notre jardin. Le gros pylône que tu admires depuis 42 ans. C'est le poteau de la régie des télégraphes et des téléphones. La RTT nous avait grassement payé il y a 50 ans pour mettre cette antenne dans notre jardin. Hein? Mais c'est pas possible que l'antenne soit là-haut. J'ai démonté tout ce qui était sur le toit cet été. Oh non! Oh non de gueule! On a démonté l'antenne. Ça fait 6 mois maintenant alors qu'on parle dans le vide. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Écoutez ma belle voix. suave et envoûtante. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour. Et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh! Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Attention Maëva. Ok, boomer. Ok, boomer pour briller en société, c'est oui, ça? Les trois infos de la semaine que je vais vous faire deviner. Oh, j'aime bien. Oui. Oh, ça, j'aime bien. Donc, on joue tous? Vous jouez tous les trois. Allez, on y et va. Et les auditeurs yes, chez eux, bien évidemment. Alors, la première, il y a une nouvelle clinique pour lutter contre une addiction qui vient d'ouvrir en Suisse. De quelle addiction s'agit-il? Antoine? Le smartphone? Non. Jadoul? Pas le smartphone. T'as dit le smartphone? Ouais, j'ai le smartphone. Bon, la télé? Non. Les jeux vidéo? Non plus. Ok, vous êtes vraiment... Allez, on est resté sur le numérique. Là. Alors, c'est vrai qu'on a fait que le numérique, on aurait pu dire la bouffe, on aurait pu dire plein de trucs. Non, vous étiez... c'est bon, c'était du numérique, mais c'était l'addiction à TikTok. Ah oui, TikTok, voilà. Donc cette clinique privée, elle propose un soutien pour les 18-25 ans. Et les patients participent à des séances de thérapie individuelle et en groupe, font des activités comme du sport, de la peinture, encore de la pleine conscience. Même en gros, peinture, le tout sauve les réseaux sociaux. Alors, très de plaisanterie, le gars, le chef, le directeur de tout ça, Stéphane Kupfer-Schmidt, explique quand même qu'en vrai, il n'a pas tort, les problèmes de dépression, de troubles du comportement chez les adolescents, en général, hein, pas ceux qui vont à sa clinique, souvent, c'est quand même lié aux réseaux sociaux, on va pas se le mentir. Donc, voilà. Toute la vague de gens qui se font chirurgie à la gueule, là, c'est ça. Et donc, il y a quand même une base là-dedans, mais là, c'est quand même marrant que ce soit juste pour TikTok, mais bon, pourquoi pas, si vous voulez aller en Suisse et que vous êtes accro à TikTok. Let's go. La cure TikTok. La cure TikTok en Suisse. Deuxième info, vendredi dernier, c'était le 15 mars, et il y a eu 200... j'ai failli... Ah oui, si. J'ai failli... Waouh, j'ai une info. J'ai une exclue. Waouh. Et je la découvre. j'ai cru que j'avais fait une petite erreur de frappe. Vendredi dernier, le 15 mars, donc c'était la... Il y a 200 Mexicains qui se sont rassemblés pour faire quelque chose, mais quoi? Des Mexicains. Un plat, un peu de musique. Non, aucune idée. Jadoul. Bah, des faritas. Je sais pas si c'est limite raciste, mais ok, on passe au suivant. Non, c'est un cliché. Les mais... Mexiques, ouais, c'est ça. Et si j'avais dit des Chinois, tu m'aurais dit un potage wonton. Kix. Un cours de musique. Non, enfin, un potage wonton, tu connais pas, c'est des raviolis dans de la soupe, c'est délicieux. Bref. Un potage wonton. Donc, vous n'avez pas trouvé. Donc, ces 200 Mexicains, le 15 mars, se sont rassemblés pour une sieste collective. Et voilà. On fait un petit réproupillon en plein milieu des rues des villes de Mexico, donc au Mexique, lors de la journée mondiale du sommeil. Donc, en gros, c'était. Enfin, ce qui se cachait derrière ça, c'est que c'est une manifestation pacifique, en gros, pour mettre en avant l'importance d'un bon sommeil en suffisance. Et en gros, ceux qui organisaient ça, c'était de montrer que les siestes étaient importantes et qu'ils voulaient qu'il y ait des aménagements dans les entreprises pour qu'on puisse faire des siestes. Voilà. Non, Jadoul, tu n'es pas mexicain. D'ailleurs, Kix. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Kix, Antoine, je pense qu'on a quelque chose à demander à Jadoul. On aimerait bien un espace sieste au travail. Oui, quoi, une zen room? Si, mais. Une zen room. Quelque chose pour dormir? Ah, vous êtes parce que sinon, on va manifester sans dormir à l'antenne. Bah, c'est déjà le cas. Ah, ouais. Et un peu de nourriture aussi, d'ailleurs. Ça, vous avez, je vous gave là, depuis tout à l'heure, c'est bon. Ça, c'est vrai. Alors, troisième info, il y a quelques jours, il y a un pizzaïolo qui a emporté un titre national d'une discipline. Enfin, de sa discipline, c'était laquelle? Ah, je pense savoir. Ah. Antoine? J'ai pas vu passer du tout. Je finis par toi, vu que t'as une idée. Kix? Attends, de sa discipline, ça veut dire en lien avec les pizzas? Oui. Oui, par rapport à son rôle de pizzaïolo, il y a une discipline en rapport avec son métier. Bah, en général, c'est la plus longue pizza, mais. Non, je pense pas. C'est pas ça. Bon, bah, alors, je sais pas. Jadoul? Je suis sûr, c'est le meilleur comédien pizzaïolo qui sait faire prego, bien sûr. Tu m'as une pizza pour les connards, s'il te plaît. Je pensais que t'étais sérieux dans ton idée, mais. Bon. Mais il était sérieux. Bonne idée. Non, c'est pas ça. C'était, voilà. Donc, il s'appelle Maxime Mathillot et il est champion de France de la pizza acrobatique. Voilà. Donc, en gros, il fait des prouesses techniques de haute voltige en faisant sauter, glisser, rouler, virevolter ou encore tournoyer sa pâte à pizza, voire même plusieurs en même temps. Enfin, il fait ça comme personne. Et ce concours, en fait, donc c'est ce concours de pizza. Il n'y a pas que la pizza acrobatique. Il y a aussi la pizza classique, la pizza dessert, la pizza rapidité, la pizza large. Comme tu disais, peut-être la plus longue fait partie. Ouais. Mais lui, c'est la partie pizza acrobatique qu'il a gagné. Donc félicitations à Maxime Mathillot. champion de France. Bon bah au final il reste plus qu'une crêpe. Hein. Tout à voler. Excusez-moi, elle fait 12 km de circonférence à la force de la pizza centrifuge. On a failli oublier un truc. Dis-moi. Attendez, on a parlé de pizza, on a parlé d'Italie et on n'a pas diffusé. Merci Maeva. C'est Maeva. C'est Maeva. Et sa pizza. C'est Maeva. C'est Maeva. E la pioggia che scende dietro alle tende la fede. Elle touche mon bras. Per abbassare la luce, per fare pace. Elle descend plus bas. Oh bah ça y est, oui. Et encore plus bas. Mais... elle s'arrête là. Un bicchiere di vino con un panino la fede. Les pulsations. C'est tout là. Oui bah ça. Ouais, on va en rester à la chronique, non? Oui, c'est mieux. Oui, c'est pas mal. Et c'était cool, Maeva. Avec plaisir. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes, maintenant, Kix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. Dès 20h, sur KIF, Jadoul et son équipe, tous les mercredis. Vous nous l'avez réclamé. Pourquoi ? Il est de retour. Qui ? J'aimerais bien qu'on me dise qui. Qu'on nous donne les noms. Je veux des noms. C'est la séquence chez Jean-Michel, bien sûr. Yes. Il est là dans notre studio avec nous, c'est notre Jean-Michel à nous. Oh, excuse-moi de t'interrompre, mon Jean-Doul, mais moi c'est Jean-Michel en but, hein, pas à nous, hein. Commence fort. Aïe, je me suis pris le micro. Tout est parfaitement où ? Un peu. Vous allez bien, Jean-Michel ? Oh oui, va très très bien. Mais enfin, tout de même, hein, j'insiste sur le nom de famille, hein, ce n'est vraiment pas à nous, hein. Non mais rassurez-vous, on avait bien compris. Je disais juste que vous étiez notre Jean-Michel à nous, de chez nous. Oh, d'accord. Non, parce que c'est quand même... Non, stop, c'est bon, arrêtez. S'il vous plaît, on avance, votre chronique. Oui, pardon. Dis-moi, mon Jean-Doul, tu n'as rien remarqué sur moi? Regarde bien. Je sais pas, des taches. Enfin, oui. Vous êtes habillé en tenue de routier ou garagiste. Ça fait plage, en fait. Mais en fait, en avant, c'est ma tenue de sport. Ah, je suis désolé, hein, je manquais d'habits adéquats à la situation, donc j'ai demandé à Monique de me prêter son Marcel. Ah ben, gentil votre épouse. Sauf que le Marcel de Monique sur vous, avec votre ventre, ça fait un croque-top. En attendant, bah, je dois dire que je comprends toujours pas où vous voulez en venir. Et dites-nous directement ce que vous avez derrière la tête. Accroche-toi et bois un petit coup. Mais non, mais vous devez arrêter. Mais pas deux canettes comme ça, mais vous êtes... S'il vous plaît, toute l'équipe. Oui. On boit avec modération. Voilà. Je me prépare pour le Big Lover Marathon à Liège le 12 mai prochain. Mais de quoi il parle? Et Cardo, je vous explique tout ça en musique. Lance le jukebox, Jadoul. Big Lover, c'est un marathon. Une réunion pour tous les pochetrons. 195 km d'à fond pour finir rond. Moi, Jean-Michel, je suis un champion. Je me suis mis dans les inscriptions et je gagnerai le beau médaillon à ma façon. Comment tu aimerais savoir? Eh bien, j'ai une fiole sur moi. Je me saoulerai tout seul. Bah quoi, faut tricher parfois. Santé. Oui, puis l'exercice physique, j'aime pas ça, j'ai besoin de mes mains. Jean-Michel, oui. Dans la cité ardente. Pour du ruinage, de la dégustation de bière, franchement, ça va être sympa. Vous allez vous mettre la tête à l'envers. Je pense que... Enfin, j'espère qu'on vous retrouvera la semaine prochaine. Et bravo d'avoir mis sur antenne un air de Sylvie Vartan. Je pense qu'elle n'a pas vu de Sabam depuis très longtemps. Ça lui fera du bien un peu. Je... Ouais. C'est qui, celle-là ? Non mais, Sylvie Vartan, vous venez de la chante... Bon, oh, laissez tomber. Bon, je retire mes lunettes, hein. Ouais, et pourquoi? Bon, ça fera deux verres en moins. Ah, Ah oui, d'accord. Ouais. Allez, santé. Ouais, santé. Ouais. Voilà. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. Sur KIF. Eh bien, voilà. Merci, Simone. Ah bah, dis donc, Simone, en parlant de ça. Oui. Tout va bien? Ça va et quoi? Parce que la meuf, elle est en studio, elle déballe ses PV. C'est vrai. Elle fait son courrier. Puis après, elle nous parle brosse à dents. Mais non, mais c'est vrai que j'avais une amende à payer, voilà. Voilà, et tu voulais surtout l'envoyer à la production. C'est ça, j'ai dit distraitement, tiens, si, ben voilà. Mais la production m'a dit pour non. Pour la radio, est-ce c'était que... Pas, mais non, en vrai, c'est pas... C'est, voilà. Ah, c'est une amende sur Bruxelles, en plus. Bah oui, c'était pour venir faire l'émission. Voilà. Oui. Quand c'est la rue, il faut payer. Mais du coup, j'aurais bien pu me garer sur deux parkings, mais... Non. Voilà, il n'y a pas de parking. Allez, je vous propose que... Qu'est-ce qu'on fait? Le certifié. Ah oui, une fois de plus, on vous a déniché une pépite. C'est parti. Nous sommes tombés sur le compte YouTube de Beauté en Herbe. Ça aurait pu faire un perdu sur l'internet. C'est vrai. Beauté en Herbe compte 74 500 abonnés. Et voici ce que ça donne. Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui car je vais me couper les cheveux devant la caméra. C'est une bonne initiative. Oui. Comme ça, si vous n'avez pas le temps d'aller chez un coiffeur, au moins vous pourrez le faire vous-même à la maison. Antoine. Ah oui, bien sûr. Enfin, ça, c'est ce qu'on s'imagine. Moi, le ciseau, ça me fait peur. Alors, j'ai un super ciseau de coiffure là. Et alors, ce ciseau-là, tout simplement, bah, si je le mets là et que je coupe... Je peux couper des gros morceaux de cheveux, hein. C'est pas comme avec le coupe-ongles. Alors, avoir peur des ciseaux, c'est une chose, mais comment comment c'est un coupe-ongles? J'ai du mal à me représenter. Non, je comprends pas. Comment tu peux couper tes cheveux avec un coupe-ongles? La technique, c'est vraiment vous mettez le coupe-ongles de façon verticale. Ok. Ça m'aide toujours pas. Ouais. Mais vous rendez compte, le coupe-ongles pour les cheveux, mais c'est pas ta journée. C'est horrible. S'il y a un endroit où c'est un tout petit peu plus court, un tout petit peu plus long, à quelques millimètres près, on s'en rend pas compte, quoi, hein, parce que c'est assez vaporeux comme pointe. Je suis pas sûr de comprendre. Le coupe-ongles a des lames un petit peu incurvées. Donc, eh bien, ça floute les pointes et vous avez pas vraiment une barre très rectiligne. D'accord. Il est perché un peu. Des pointes floues, d'accord. Vous avez pas l'image, mais quand on voit le résultat, c'est typiquement pas beau. Donc moi, ça me plaît. Écoutez, c'est le principal. Oui, c'est ce qu'on dit quand c'est raté, ça. Tant mieux. Les enfants, ce qu'a fait maman, c'est bon ou pas? Non? Bah moi, ça me plaît, c'est le principal. Petite pensée à toutes ces coiffeuses et coiffeurs qui ont fait des années d'études pour voir un youtubeur dire... Donc moi, ça me plaît. Écoutez, c'est le principal. Merci, gars. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Mais va. Non. Peux-tu non, répéter ta dernière phrase? Oh, non, s'il te plaît, il y a des gens qui se branchent se maintenant. Passe hors antenne, reste hors antenne. Même moi, je l'ai pas entendu, hein. Donc. Mais si, enfin. Redis-le. Mais en gros, mais oui, mais pas mis dans le vite contexte. Vite fait, on explique vite fait. Tu faisais le signe de Star Trek là où t'écartes, tu sais les doigts. Les doigts un peu comme Damso quand il fait. Ouais, voilà, tu fais le voilà. Bref, et donc du coup, Kix qui n'y arrive pas, dit mais pourquoi il arrive à faire ça? Et moi, j'ai dit parce qu'il a un bon doigté. Voilà. Merci. Allez, passons aux choses sérieuses. On accueille le seul, l'unique, Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Bonsoir Jadoul. Oui, le petit chevelu de la radio, on sait, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Le concept. Mais le concept, c'est que je vais vous poser une question avec une réponse en chiffres et il va falloir trouver la bonne réponse, bien évidemment. C'est super, allez on y va, on joue. Question. Lego va commercialiser une représentation du jeu Donjons et Dragons. De combien de pièces est-elle composée, représentation? Réponse A. On aura tout fait ici. 1696 pièces. Réponse 2. 284 pièces. Réponse 3. 3745 pièces. Maïva. Réponse C. 3000 pièces. C'est votre dernière bafouille? C'est ma dernière bafouille. Jadoul. Je dis comme Maëva, réponse C. Réponse C. Kix. Et comme moi je joue souvent au loto, je dirais la B. La B comment? La B Pierre. Ok. Formidable. Quel suspense! C'était bien évidemment 3745 pièces, la réponse c'est... Yes. C'est pour ça que je perds toujours au loto. Est-ce que je peux poser une petite question à Alex? Vas-y. Oui. Qu'est-ce que c'est Donjons et Dragons? Un jeu de rôle? Ah. Le jeu de rôle. Je ne... Oui, bah ça va, je vais me cacher. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Maëva, c'est ton moment. Oui. C'est ton grand jingle. C'est la Music Machine. Prends tes responsabilités. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. J'ai pas tout compris, Maëva, à ton délire cette semaine. Elle a mais frotté ses baskets. C'est de plus en plus original. Le truc, c'est que moi, je... en fait, c'est vraiment. Je vais faire un AVC, laisse c'est tomber. De l'impro, c'est de l'impro. C'est notre huissier de justice est Maître Lefeu, bonsoir. Bonsoir. Et on est tous très en forme pour faire la première manche. Tout vient de TikTok. Il faut retrouver titre artiste originaux. Toutes les machines ont un cœur tendant. Toutes les machines ont un cœur. Me dites pas que c'est le soir, on n'a pas le temps, on vous trouvez pas. Non mais vous vous bouffez la gueule d'habitude. Je vois c'est qui en plus. Attends, attends. Pour des raisons de temps, je suis obligé de vous aider. Un M. Métissa ? Non. Non, non, pas. Attends. Elle a fait que ça. Justement. Ah ! Maëlle, toutes les machines ont un cœur. Franchement, je le trouve pas mal, Chris. Bah, il est très fort. Je suis maître le feu. C'est très simple, récap des points vite fait, monsieur le feu. Et donc, je dis... Ah, pardon, il y a eu 0 point. Merci beaucoup, voici la deuxième manche. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Tous les cris, les SOS, Daniel Balavoine. Non. Non, SOS d'un rien détresse, pardon. Ça, c'est Grégory Le Marchand. Ça marche. Et attention. J'aimerais être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Vous avez vu comme les notes sont très hautes? Oui, un peu trop hautes peut-être pour mettre la lumière en toi. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Oh, ça va encore. J'aimerais bien être un oiseau. Pof. Je me mets dans ma peau. Oh, waouh. Pas envie d'être un robot. Mais trop boulot de dos. Oh, pardon. Oh, dis. Oh, bah, ça va, un petit coup de fusil comme ça, ça s'est perdu. On y va, troisième manche. Allez, oui, let's go. Vous êtes tous prêts? Je sais ce que tu veux dire. Pierre Garnier, ce qu'on était. J'aimerais garder. Ah. C'est la remontada d'Antoine. Ailleurs t'ira chercher un peu de ce que je ne t'ai pas volé. On y va. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. On dirait Bendo avant qu'il change son fusil d'épaule. Kick-up. J'aimerais garder Doben. Il s'appelle Moulix hein. Un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder. En vrai. Bon. Objectivement, ça va. Oui, il a le matin, moi, quasiment. Faut arrêter ça. Ah. Bon, pas possible. Avant dernière manche, on se concentre. Maëva. Oui. Allez. Ouais. On y va. Ce soir, j'irai danser le mambo. L'amour à la plage. Oui. Niagara. Waouh. C'est l'amour à la plage. Ah ouh, tcha tcha tcha. Et les yeux dans tes yeux. Ah ouh, tcha tcha. Et je suis un vrai cauchemar pour une lessive. C'est l'amour à la plage. Oh, il a laissé les cœurs. Les écoquillages. Oh, mais dites donc, mais y a pas écrit Bécasse ici. Et mes yeux dans tes yeux. Oh, les écoquillages. Allez, on s'arrête là, on se fait la finale. On se fait la finale. Let's go. Il est 8h du soir. Et les larmes me montent. Je me demande si j'ai perdu ton regard. Louane. Oui. De toute façon, y'a que moi qui. Pardonne-moi. J'aimerais que tu me pardonnes. coup de cerise guitare. Moi, c'est les mains. Non, mais arrêtez, c'est... écoutez la guitare. Elle a, doit avoir un noyau coincé quelque part parce que cerise. Ouais. Non, t'as raison là. Allez, vite fait, s'il vous plaît. Je suis maître le feu. Les points. Qui est le grand gagnant ou la grande gagnante ce soir, maître le feu? Ah ben, c'est Antoine. Bah, félicitations, c'est trop bien. Ah, merci. Ouais, c'est ainsi. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va te célébrer, Antoine, te féliciter. Merci surtout. Bien. Pas mal. Nous te célébrons. Mais 3 points quand même. Antoine. Antoine. A gagné. Antoine, nous te célébrons. Bah Eva, ça va. Ah non, tu peux perdre une fois sur la saison. Ah ben moi, tout à fait. Hein. Bon, le temps qu'on fasse des travaux de rénovation dans ce studio, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. C'est vrai en plus. Bah oui. Mais pourquoi tu rigoles? D'ici là, en podcast, bisous. Jadoul revient mercredi prochain.